はい。 アビア、トゾンビ、セロミックス、フィチュリングアビ、ウアマオレ。 Casquette en travers ma bande, en travers sous ma main, y'a qu'une chose dans ma tête. À revoir si ce mot se donne la signification, mais rien qui est concret. Pour l'instant, je garde le secret, rien à foutre, je t'encule. Bra, les années passent, je vois ce qui se passe, je me rends utile. Ma motivation, ça s'envole vers mes objectifs. Chacun a ses objectifs, donc je reste actif. On approfondit, on acquérit nos compétences, tu vois la récompense. Ça se mérite, mais la peine, ça sert-il pour que je puisse convertir malgré ces erreurs. Je regrette, mais je garde le cœur doux. Oh, Amaore, Namtegele, Jori, Jizane, Shanzane. Oh, Amaore, Namtegele, Jori, Jizane, Shanzane. C'est trop l'enfer dans cet univers. Je n'ai rien fait de spécial qui puisse me rendre fier. La souffrance de certains reste grave d'un coup de poing vert. Pour tous ceux qui sont partis, je lève mon verre. Pour apprendre, je laisse l'ennemi se faire. Pour tous ceux qui viennent d'ici, de là-bas et de l'autre hémisphère. C'était un lâche, je vais te resserrer les vis, frère. Mes paroles dans le monde entier, elles se dispersent. Je n'ai pas le moral, je désespère. Et j'ai l'impression que dans ma vie, tout va mal. J'ai catalogué ma vie comme catastrophique. Quand je n'arrive pas à différencier le bien du mal. J'ai commencé tout bas, mais aujourd'hui j'ai progressé, c'est sur ma veille, bien du mal. Ah, mon avenir est tracé, moi je le suis. Je m'en fous des racistes, même si noir je le suis. Oh, Amaore, Namtegele, Jori, Jizane, Shanzane. Oh, Amaore, Namtegele, Jori, Jizane, Shanzane. Se prend dans l'alcool, fait le beau ménage. Le monde se trouve à l'envers, les hommes et les femmes ont la rage. Ma vie de chaque jour les arrivées, par mon caille et ma plume sous ma main. Trotte les jamais fatigué. C'est vrai, j'ai pas la vie d'artiste, mais j'ai du succès. Après avoir rencontré cette vie, j'ai pris conscience. Je continue d'avancer dans ce sens. À présent, je trouve la vie fade. Et nous aurons toujours la place dans ce monde, frère. Et que penses-tu mentalement de ce qu'on ne fait pas comme moi? Physiquement, traite chaque point séparément. Également, je veux pas qu'on se tape dessus. Si je parle vite, fais ta perdu. Sur les gens, réfléchis un instant. La vie est très importante. Oh.